Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 7. Des circonstances où se trouve le volontaire. Définition des circonstances. Le théologien doit faire attention aux circonstances. Énumération des 7 circonstances. Quelles sont les principales? 1. Que faut-il que nous entendions par une circonstance? Les corps étant ce que nous connaissons le mieux, nous leur avons pris le mot circonstance, que nous appliquons aux actes humains. Comme les objets qui en environnent un autre sont placés en dehors de lui de manière à le toucher, du moins localement, ainsi toutes les conditions qui sont en dehors de la substance d'un acte humain, mais qui pourtant l'atteignent par quelque endroit, reçoivent le nom de circonstances. Les circonstances des actes humains en sont, par conséquent, des accidents. Un accident, en effet, n'est autre chose que ce qui appartient à un sujet, tout en restant en dehors de sa substance. Note. Prenons pour exemple le discours oratoire. On y expose d'abord la substance de l'acte, on arrive ensuite à ses accidents. Cet homme, dira un orateur, mérite d'être poursuivi, premièrement, parce qu'il a commis un homicide, substance de l'acte, secondement, parce qu'il a commis cet homicide par fraude, pour un salaire convenu, dans le lieu saint, etc. Circonstances qui augmentent la faute. Fin de la note. 2. Les circonstances des actes humains doivent-elles être étudiées par le théologien? Les théologiens doivent s'occuper des circonstances, trois raisons leur en font un devoir. D'abord, les actes humains conduisent l'homme à la béatitude. Or, il est hors de doute que les circonstances contribuent, du moins dans une certaine mesure, à proportionner les actions à leur fin. Ensuite, il est du devoir du théologien d'étudier les actes humains dans leurs divers degrés de bonté ou de malice, de perfection ou de défaut, et les circonstances, comme on le verra dans la suite, produisent cette diversité. Enfin, il est clair que les circonstances, suivant qu'on les ignore ou qu'on les connaît, peuvent rendre un acte volontaire ou involontaire, excusable ou criminel. Le théologien, qui étudie nos actions au point de vue du mérite et du démérite, doit donc évidemment en tenir compte. 3. A-t-on bien déterminé les circonstances? Aristote, dans son traité de l'éthique, et Cicéron, dans sa rhétorique, observe avec raison qu'il y a 7 circonstances, qui se résument par le vers suivant, quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, commodo, quando, qui, quoi, où, par quel moyen, pourquoi, comment, quand, confer quintilien, quis, qui, quelle est la personne qui agit? De quel caractère est-elle revêtue? Note. L'état, l'âge, la condition, les engagements particuliers. Fin de la note. Quid, quoi, quelle est l'importance de la chose? Note. La chose volée est-elle profane ou sacrée, considérable ou de peu de valeur? Fin de la note. Ubi, où, en quel lieu l'action s'est-elle opérée? Note. Était-ce dans un lieu sacré? Fin de la note. Quibus auxiliis, par quel secours ou moyen? Note. Ces moyens étaient-ils superstitieux, illicites? Avait-on des complices? Fin de la note. Cure. Pourquoi? Pour quelle fin? Note. La fin influe singulièrement sur la nature des actes humains, bons ou mauvais. Fin de la note. Commodo, comment, de quelle manière? Note. A-t-on agi avec ignorance ou avec connaissance? Était-ce avec violence? Fin de la note. Quand d'eau, quand, en quel temps? Note. On s'accuse d'avoir été au cabaret. Était-ce pendant les offices divins? Confère Monseigneur Gousset. Fin de la note. 4. Les deux circonstances principales sont-elles la fin de l'acte et ce qui tient à sa substance? La première de toutes les circonstances est celle qui atteint l'acte du côté de la fin, c'est-à-dire le motif qui fait agir, cure. La seconde est celle qui touche à la substance des actes, c'est-à-dire celle qui tend à constituer l'espèce de l'action, quid fecit. Note. Une circonstance peut, par elle-même, déterminer l'espèce de l'acte. Les autres tirent leur importance de leur rapport avec celle-là. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.